Ce vendredi, à La Vie en BD, regard sur Nimini-san et sa grenouille ninja avec Rémi Ménègre, Mimos et Sam, la BD jeunesse de Caton, et la saison 2016-2017 de la Ligue québécoise d'impro BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude. Toujours évidemment un plaisir de vous retrouver les vendredis soirs, de commencer le week-end avec vous, du moins si vous travaillez pas la fin de semaine, autour justement de la bande dessinée, autour du 9e art. Et cette semaine, on portera un regard sur deux bandes dessinées qui sont très colorées, très vives, visuellement agréables à regarder, notamment Nimini-san, tome 1, un univers d'inspiration japonaise, une histoire un peu à la Kung Fu Panda, si on peut dire, mais avec des grenouilles, et dans des décors qui sont absolument superbes. Une bande dessinée qui est vraiment un plaisir à regarder, à tout le moins, à lire également, cela dit, mais à regarder tout particulièrement, là, vraiment un beau travail de dessin de Rémi Ménègre, et on avait envie d'en jaser avec vous. Alors, ça se fera en première moitié d'émission, donc dans quelques minutes. Également, en deuxième moitié, ben, on longuera un peu vers la bande dessinée jeunesse. C'est la deuxième collaboration de Caton avec l'éditeur, Comme des géants. Alors, elle l'avait offert Lapinette l'an dernier. Elle nous revient avec Mimos et Sam. Donc, une histoire un peu d'enquête pour savoir qui a mangé un basilic, mais avec une héroïne qui vit dans une citrouille. Donc, un univers quand même très imaginatif. Et ça donne quelque chose de très joli. Également, donc un chouette objet à partager avec les plus jeunes. Alors ça, on va en parler en deuxième moitié d'émission. Et également, fin d'émission, on portera un regard sur la saison qui s'en vient de la Ligue québécoise d'impro BD, un côté événementiel en BD qui est toujours bien actif à Québec. La Ligue BD en est un des éléments. Alors, on jugeait que c'était incontournable. Surtout, nous dit-on que la Ligue revient avec un nouveau concept cette année et dans un nouveau lieu, donc du côté du Musée national des beaux-arts du Québec. Alors c'est le menu pour cette semaine ici à l'émission et on a bien hâte de vous parler de tout ça. Dans l'actualité BD cette semaine, eh ben notamment il y a une nouvelle, je pense, qui a fait beaucoup jaser sur le web, Red Ketchup, qui pourrait possiblement apparaître bientôt au cinéma, donc après être allé en enfer dans son 8e album. Alors un personnage évidemment mythique de la bande dessinée québécoise qui pourrait faire le saut donc dans un film qui serait réalisé par le cinéaste Martin Villeneuve. Martin Villeneuve qui a fait entre autres Mars et Avril, et ce serait les producteurs Nicole Robert et Pascal Bascaron de GoFilm films qui ont offert entre autres 1987 et King Dave plus récemment, là, qui superviseraient le projet. Alors c'est le Journal de Québec qui a sorti ça tout récemment. Eux disent, mais regardez, on estime que Red Ketchup en fait est un personnage très cinématographique. Ça, c'est le regard que porte le dessinateur Réal Godbout sur ça. Et évidemment, lui dit, mais regardez, ça fait quand même c'est assez régulier qu'on nous pose la question, savoir ben, est-ce que éventuellement Red Ketchup va faire le saut. Alors lui semble bien content que ça puisse pouvoir possiblement se faire. Martin Villeneuve lui dit avoir découvert Red Ketchup pendant son adolescence avec le magazine Crow, évidemment, où Red Ketchup a fait son apparition en 1982. Et l'idée de porter les aventures de ce personnage lui trotte dans la tête depuis déjà plusieurs années. Un personnage qui l'avait marqué avec son physique imposant, son look presque à la Grace Jones, c'est les termes qu'il utilise. Alors, un personnage fort visuellement, mais avec des histoires également qu'il trouve originales, de l'aventure, de l'action, de la comédie noire, et lui estime que c'est très riche pour le cinéma, et comme référence du style que ça lui inspire, mais il cite entre autres Tarantino, and Wes Anderson et aussi Kubrick et OSS 117. Alors, on voit le genre de mélange qu'il peut avoir en tête. Et évidemment, tout ça avec l'importance aussi de trouver le bon comédien pour jouer Red Ketchup au cinéma. Alors, On verra comment ça va se passer, mais à tout le moins, le projet, s'il n'était plus sur les rails, ben, semble revenir et revenir en force, parce que quand même, des adaptations de Ratchet Shop, il y a eu quelques rumeurs qui ont couru au fil du temps, et bien là, celle-là semble peut-être un peu plus active. Je reviens aussi sur des nouvelles estivales, simplement pour mentionner, vous avez probablement vu ça passer sur la toile également, Safari qui a fermé boutique à son 299e numéro. Il y a bien eu une tentative de faire un 300e, mais qui n'a pas levé pour différentes raisons. Alors, en fait, c'est les aléas, évidemment, de l'édition actuelle. C'est quand même pas nécessairement facile de faire survivre un magasin. Un magazine qui avait déjà eu quelques difficultés d'ailleurs au fil des dernières années. Alors ben voilà, donc l'aventure s'est terminée après 299 numéros. C'est malheureux, en fait, ça a été une belle vitrine au fil du temps, je pense, pour des auteurs d'ici. C'est quand même le magazine, entre autres, aussi qui a lancé les personnages Les Nombris, qui sont devenus aujourd'hui parmi les 10 plus grands tirages de la francophonie. Alors ça reste quand même un magazine important là, qui est disparu cet été. Et du côté de la France, en fait, pour faire contrebalan, il y a un magazine qui est revenu en boutique, c'est Arg, qui est de retour dans les kiosques. Il avait été mis en stand-by pour une durée indéterminée après l'apparition du numéro 4. Alors, il a été de retour en kiosque cet été avec une nouvelle formule. Alors, on verra si cette formule permettra au magazine de garder sa place et de poursuivre. Dernier notule, avant de repartir en musique, simplement une anecdote pour terminer. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer également, mais il y a une statue qui a été érigée à la gloire de Capitaine America du côté de Brooklyn. C'est pour commémorer le 75e anniversaire de ce super-héros de Marvel Comics. Alors, c'est une sculpture en bronze qui a été installée, une sculpture en bronze de 4 mètres de haut, 900 kilos. C'est du côté du Prospect Park de Brooklyn. La statue va être visible jusqu'à la fin de l'année également en divers lieux de l'endroit, mais pour l'instant, ils n'ont pas décidé le lieu définitif pour héberger cette imposante sculpture. Alors voilà pour ces petits clins d'œil. Et maintenant, on s'en va en musique. En musique avec toujours un peu de la bibitte. Et la formation qui nous accompagne cette semaine, c'est Shelby Sinca, avec deux albums en fait, Obelisk en première partie d'émission et Creatures en deuxième. Alors on écoute un premier extrait à l'instant. Raymond Poirier toujours avec vous à La Vie en BD, émission qui se poursuit jusqu'à 18h30 ici sur les ondes du 89.1 et entre autres quelques sorties de fin d'été dont on avait envie de vous parler et de début d'automne. Nimini-san tome 1 dans le cadre, en fait plutôt c'est les légendes de Kawajima épisode 1, Nimini-san si je veux avec le titre officiel, c'est du côté du studio Lunac et on est en compagnie au bout du fil du dessinateur Rémi Mainaigre. Bonjour. Alors, on avait envie de jaser avec vous de Nimini-san, donc une série qui a été lancée du côté du studio Lunac, une série un peu marathonienne en fait, parce que l'idée c'est de sortir un album, en fait un 32 pages à chaque 5 mois. Oui, c'est ça, oui, c'est l'idée de départ, oui, tout à fait. Est-ce que c'est un peu dans l'esprit, parce que pourquoi choisir de s'imposer un rythme comme ça, côté création, d'avoir un côté très feuilleton, très épisodique aussi? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr que c'est une grosse contrainte parce que c'est très fatigant. Ça demande de dessiner très très fort, très très vite. Et je suis pas forcément toujours à la hauteur. C'est une grosse contrainte pour moi, mais en même temps, c'est un exercice intéressant parce que j'avais jamais eu à le faire avant. Et ça a un autre intérêt aussi, c'est que pour nous, les auteurs de BD, là, la réalité, c'est qu'on passe 8 heures par jour à notre table à dessin, enfermé, toute l'année. Un album de BD de 100 pages ou 120 pages, ça représente un an et demi de boulot facile. Et puis, quand l'album sort, on a très peu de temps pour convaincre ou pour que les gens soient au courant et puis achètent l'album. Et là, l'intérêt, c'est que du coup, régulièrement, paraît, et donc au fur et à mesure, les gens découvrent et on a un retour sur l'histoire plus rapidement. Voilà. Oui, en fait, ça se rapproche presque de l'édition web, mais de le faire un peu façon papier, un peu parce qu'il y a une inspiration japonaise qui est très présente aussi, donc ça me faisait penser un peu à la limite au rythme sorti d'un manga, par exemple, ou d'une série comics à l'américaine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Moi, c'est le feuilleton, quoi, hein, mais c'est ça qui est chouette avec un feuilleton, c'est que tu dis, ah, bah tiens, dans pas longtemps, il y a un nouvel épisode, et puis voilà, ça... On peut tenir le lecteur et puis ça éveille l'intérêt, ça pique la curiosité. On sait qu'on va pas lire toute l'histoire, mais la suite au prochain épisode. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est intéressant aussi. Ça, Les Trois Mousquetaires étaient écrits en épisode, par exemple, et à l'époque. Donc j'aime bien cet esprit-là, en fait. Et peut-être pour cadrer le récit aussi c'est pour l'essentiel en fait l'histoire, une histoire de kung-fu animalier si on peut dire. On suit dans le tome 1 tout le moins la quête d'une grenouille qui est douée pour les arts martiaux mais douée aussi pour se mettre les pieds dans les plats, qui est Nimini-san. Alors d'où est venu un peu ce personnage-là, d'où est venu un peu cet univers-là? C'est un univers que j'avais depuis longtemps. En fait, le projet vraiment est venu du fait qu'au studio on avait envie de publier une BD. Puis au départ, en fait, on était intéressé, on se disait qu'on pouvait faire un livre pour enfants même. Et moi, il y a 20 ans de ça, j'avais fait un livre pour un enfant. Et donc j'avais créé une grenouille ninja pour un enfant de 3 ans. Et ça lui avait plu. Alors on avait fait une petite aventure. Et c'était une mini-san, mais bon, à l'époque, il s'appelait pas comme ça. Je me souviens même pas ce que j'avais raconté vraiment. Mais ça m'avait bien plu, les personnages que j'avais trouvés, cette espèce d'univers un petit peu qui était là. Et il me restait quelques traces, ça baladait un petit peu. Et puis, on s'est dit, tiens, on pourrait en faire un livre pour enfants, puisque c'est ce que j'avais déjà fait. Mais en moi, j'avais la volonté, j'avais envie de parler un petit peu plus, développer plus l'univers que dans un livre pour enfants où on a juste une trentaine d'images. Et puis l'aventure est finie, donc on peut pas raconter tout un tas de petites anecdotes. Et comme j'ai travaillé dans l'animation, on aime bien un peu cet univers. On aime bien pouvoir raconter des choses, des petits détails, des petits. La bande dessinée permet ça en fait, alors que le livre pour enfants ne permet pas. Et donc on a étendu le format, et puis au fur et à mesure, on a développé. Et l'idée nous a fait rire de cette grenouille ninja, parce que on s'est dit que pour une bande dessinée jeunesse, en fait, c'était toujours sympa de l'univers japonais. Moi, j'aime le Japon. J'ai déjà fait 2 carnets de voyage sur le Japon. J'y vais régulièrement, et donc c'était sympa d'avoir un univers animalier pour parler à la fois du Japon, à la fois des animaux étonnants que Nimini-san va rencontrer au fur et à mesure. C'est riche, tout ça c'est riche. Et justement, vous venez un peu sur le terrain du Japon, parce que je pense qu'il y a une certaine parenté avec les paysages, entre autres, que vous présentiez dans vos carnets de voyage. Et j'ai l'impression que c'est un univers qui est avec vous depuis longtemps. En fait, si je me trompe pas, c'est avec le judo que vous étiez tombé dans le Japon et vous y êtes resté en termes de gamme d'intérêt, tant pour le visuel que pour d'autres types d'éléments. Oui, en fait, moi, j'ai commencé... Mon premier rapport au Japon, c'est le judo, oui. J'ai commencé le judo à 4 ans. Mes parents m'ont mis au judo à l'âge de 4 ans. Et c'est vrai que j'en ai fait pendant des années après. Et c'était mon premier rapport au Japon. Mon deuxième rapport, c'est que je suis de la génération qui a vu la première diffusion de Goldorak à la télévision et des dessins animés japonais en France, mais que vous avez eu ici aussi, hein. Et du coup, je suis marqué par le Japon m'a marqué comme ça, quoi. Hein. Et c'est toujours resté. Je me suis passionné pour la culture japonaise. J'ai fait des études de japonais. Je parle pas très très bien japonais, mais je parle japonais quand même. Et donc, voilà. Et en fait, en 2008, quand j'ai épousé ma femme, j'ai épousé Sandrine, qui est donc la scénariste de Nimini-san. On est parti en voyage de noces au Japon et depuis on y va régulièrement et le Japon alimente énormément en fait notre, enfin en tout cas mon inconscient, mais notre inconscient à tous les deux. Et je suis lié entre autres le côté paysager où j'ai l'impression en fait pour avoir feuilleté un peu ou à tout moins sur le web ce que vous faisiez avec les carnets de voyage et certains des arbres, des décors, des la verdure ou des teintes même que vous présentez dans l'un qui sont un peu présentes aussi dans l'autre. Oui, beaucoup. Ben, d'abord parce que en fait l'école de la Batra Ninja ou Niminisan en fait étudie l'art ninja secret et millénaire. J'ai pris pour modèle en fait un endroit qui s'appelle le Koyasan au Japon, qui à propos duquel j'ai fait un carnet de voyage donc de 260 pages. Donc je connais très bien ça et parce que c'est un endroit assez exceptionnel, les arbres sont immenses, la forêt est hors norme. Donc ça m'a beaucoup impressionné et ça me plaisait de placer ça en fait dans cet univers-là. Et puis d'imaginer des grenouilles ninja qui s'entraînent au milieu des grands arbres et puis des vieux temples, etc. Je trouve ça vraiment, c'est très féerique, quoi. Hein. Donc je trouvais ça intéressant de le faire là-bas. Et puis ben en même temps, de toute façon, le Japon, c'est vraiment un cliché aussi. Hein. Quand vous allez au Japon, là, il y a des rizières partout, la forêt est très dense. Voilà, on retrouve très très vite. On retrouve ce que je mets dans Minisan, en fait. On le voit beaucoup. Et justement, c'est un peu, même j'ai l'impression, si on étend la discussion justement sur la notion de cliché au personnage aussi, dans le fond, donc d'un côté, donc l'idée des ninjas, de la philosophie, du récit initiatique un peu façon kung-fu et autres arts martiaux, il y a des côtés clichés, des incontournables aussi, on pourrait dire. Et quand on joue avec des personnages, mais des grenouilles, des lapins et le reste, ben il y a une idée aussi qu'on a, on a déjà une opinion sur ce qu'est, sur la personnalité d'une grenouille. Donc ça permet de, j'imagine, côté scénario entre autres et côté dessin, de rapidement camper une attitude en allant vers le cliché ou au contraire en allant complètement à l'opposé de ce cliché-là. Ben oui, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'en utilisant des animaux, on utilise les codes qui vont avec. Et c'est ça qui est, c'est riche parce que on pourrait tout à fait imaginer un personnage très très cruel, mais être un petit cochon, par exemple, ou alors avoir un loup très gentil si on veut prendre le lecteur à contre-pied. Et en même temps, comme c'est très évocateur, on peut au contraire aller dans le sens du cliché. Ça permet de bâtir tout de suite un univers très riche et le lecteur s'y coule assez facilement. C'est une série jeunesse. C'est pour ça que c'est un récit initiatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de 7 à 77 ans. On fait pas une histoire que vraiment pour les enfants, quoi. Hein. Les adultes doivent trouver du plaisir aussi, et donc on n'utilise pas un ton spécifiquement pour les enfants. Au contraire, je préfère parler de manière adulte aux enfants que parler de manière enfantine aux adultes. Et oui, les personnages permettent énormément de jouer avec ces codes-là. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à dessiner les animaux. C'est vraiment mon grand plaisir. Donc, ça permet d'avoir des attitudes, d'avoir des aspects, des figures, d'avoir des blagues plus rigolotes, plus exagérées, plus intéressantes qu'avec des humains. Et puis l'intrigue peut aller plus loin, il peut se passer des choses tout de suite un petit peu plus folles que dans la réalité. Si je montrais le vrai Japon, il y a des choses qui ne marcheraient pas. Et en même temps, ben, en choisissant la grenouille aussi, ben, vous avez des membres quand même à s'allonger, il y a quelque chose à exploiter, il y a une geste qui vient avec ce casting-là, j'ai l'impression, pour le personnage principal. Oui, il faut le faire bouger en fait. Alors on fait pas du dessin animé, mais en fait c'est quand même l'esprit. C'est un petit peu l'esprit. Puis oui, il a des prouesses. Oui, c'est un récit initiatique. Hein, vu que c'est un récit jeunesse, c'était intéressant d'avoir justement. On veut que le lecteur s'identifie à ce personnage-là. Et puis du coup, il est un peu niaille, il est un peu bête, il est inexpérimenté, mais il est très fort. Il saute plus haut que tous ses camarades. Il a vraiment des caractéristiques, il a vraiment des capacités hors normes pour une grenouille quand même. Et il s'imagine être le prochain grand héros de son univers. Et je pense que tous les enfants, à un moment donné, ont envie d'être cosmonautes, ont envie d'être... lui, c'est pareil. Hein, vraiment, il se voit à la place de son grand héros ninja... parce que il y a une statue dans son temple de Muteki, qui est un grand héros ninja qui a sauvé toutes les grenouilles des années auparavant. Et donc il se voit être ce nouveau héros, mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de le déstabiliser, puis de lui faire découvrir la vie. Il veut découvrir le monde et il va s'apercevoir au fur et à mesure que le monde n'est pas tout à fait comme ce qu'il pensait être. Et Rémi Maynègre, quand on crée justement un monde comme celui-là aussi, dans lequel vous faites évoluer vos personnages, ben, vous l'avez mentionné, il y a des héros, il y a une histoire, il y a une mythologie là-dedans. Donc, j'imagine que ça a dû être une bonne part de création avant même de commencer à raconter l'histoire, de cibler où l'histoire allait se passer. C'était quoi l'histoire de cet endroit-là? Ou à la limite, il faut que nous, comme lecteurs, on a l'impression que vous en savez peut-être un peu plus sur votre monde que ce que vous en livrez sur les pages? Oui, nécessairement, on en sait plus, oui. C'est intéressant, c'est fabuleux en fait. C'est ça qui est bien dans la bande dessinée, c'est qu'on peut créer des univers énormes et puis ça coûte pas cher. Je veux dire, on n'a pas besoin, on peut avoir tous les acteurs qu'on veut, on peut retourner la scène autant de fois qu'on veut. Ça prend pas de temps de pellicule, ça prend voilà, c'est riche pour ça et oui, c'est un bonheur en fait de créer, de bâtir. Ça va très très vite. La difficulté, c'est pas tellement de bâtir l'univers entier, c'est surtout de savoir quoi raconter une fois qu'on a imaginé tout ça, quoi. Et sur un récit comme ça, sur plusieurs albums, est-ce que vous savez précisément, avant de commencer le dessin du premier, par exemple, bon, c'est quoi l'histoire sur les cinq? On a déjà des synopsis à tout le moins bâtis, oui. Et le scénario se construit. Est-ce qu'on se donne quand même aussi une certaine liberté? Parce que vous avez mentionné le fait de sortir en feuilleton, ça permet quand même un peu plus d'interaction, des retours, donc pouvoir réajuster, réagir à des réactions que les gens vont avoir aussi à l'histoire et le reste? Oui, bah oui, alors ça c'est vrai que ça c'est un peu le cauchemar, c'est-à-dire qu'en fait on voulait pas se lancer tout à fait dans l'inconnu, parce que c'était en même temps la première fois qu'on faisait ça, donc on n'a pas pris de chance, on voulait quand même assurer un peu nos arrières, savoir où est-ce qu'on s'en allait avec nos skis, donc là oui, on sait toute l'histoire de A à Z. On a déjà écrit le synopsis, l'écriture du scénario est en cours parce que bon, le scénario c'est autre chose que le scénario, c'est vraiment proprement parler, qu'est-ce que les personnages vont dire, le découpage, comment est-ce qu'ils vont agir précisément dans la scène. Donc ça on l'écrit quand même en avance bien sûr, mais il est encore en cours d'écriture justement pour quand même se réserver de la liberté. Donc là aujourd'hui d'ailleurs tous mes vendredis sont consacrés avec Sandrine au storyboard, qui est donc au storyboard et à l'écriture du scénario des épisodes suivants. Et donc on imagine plein de possibilités à ce moment-là, on évoque plein de possibilités de jouer la scène. Et puis quand on commencera à avoir des retours, parce que pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de retours, mais on a quand même déjà eu des retours sur ce qu'on nous avait dit, et donc on les prend en compte et effectivement on a toujours le temps de rectifier le tir. Parce que tant qu'on sait où on va l'histoire, on peut trouver mille manières de raconter la même chose. Donc c'est quand même assez flexible, c'est un exercice intéressant. C'est fatigant, mais c'est un exercice vraiment passionnant à faire. Et tout ça supporté, évidemment, je le rementionne, et je vous le mentionne directement, vos dessins sont absolument superbes, et c'est foisonnant, c'est vivant, c'est vert, je veux dire, il y a un souci du détail, il y a un souci de la composition qu'on sent très présent à travers l'ensemble des planches, l'ensemble des pages de cet album-là. Ben, ça me fait plaisir que vous me dites ça, parce que vous me disiez ça, parce que vraiment, oui, c'est un gros souci. Tout est important. Je pense que le diable se cache dans les détails. C'est pour ça que je mets autant de détails. Alors, ça plaît pas forcément toujours. Ça fait pas toujours plaisir à Caroline, qui est notre coloriste et notre coloriste Cab. Mais elle est vraiment, on s'entend très très bien, et donc bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de détails, donc ça fait beaucoup de travail derrière, mais elle a su capturer vraiment les références ou l'univers, ce qu'on en disait, et donc c'est que c'est elle, hein, les couleurs c'est elle. Oui. Et j'ai l'impression en fait que quand on va dans un bon niveau de détail aussi, quand on est dans un truc complètement fantastique, on dirait que ça apporte une vérité. Ça permet une belle immersion pour le lecteur dans cet univers magique-là, finalement. Mais on y croit parce que, justement, tout est construit, tout est là, jusque dans un beau niveau de détail. C'est ça qui je pense, rend crédible. Si on visite une maison de témoins et que les meubles sont l'air en plastique et que, bon, le canapé est en polystyrène, on n'y croit pas trop, quoi. Donc bah là, voilà, moi j'aime bien aller dans les détails aussi parce que je me mets à la place du lecteur. En fait, je dessine ce que j'ai envie qu'on me raconte. Et je pense que Sandrine fait pareil pour sa partie scénaristique. Elle raconte l'histoire qu'on a envie, qu'elle aurait envie qu'on lui raconte. Et c'est ça qui nous fait rire. On essaye de se faire rire l'un l'autre. Elle écrit des choses qui me surprennent. Et puis moi, après, j'essaie de la surprendre aussi en changeant un peu des choses. Donc c'est difficile. Ça prend du temps, mais en même temps, le gagnant, c'est vraiment l'histoire, parce que du coup, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le plus de spontanéité possible, et j'espère que ça se sent. Donc j'espère que on fait pas quelque chose de trop lourd et de trop prévisible. Le lecteur, on sait pas. C'est les lecteurs qui nous diront. Et on invite justement les gens à le constater directement en jetant un coup d'œil donc à Niminisan. Rémi Mainaigre, donc dessinateur, merci beaucoup. Ben, je vous remercie pour cette interview, c'était très agréable. Ça me fait plaisir et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Voilà, donc c'était Rémi Mainec, je le rappelle, donc dessinateur sur Niminisan, donc tome 1, épisode 1, donc qui est sorti tout récemment, le deuxième qui arrivera donc dans à peu près 4-5 mois, et successivement comme ça, donc des récits de 32 pages, c'est du côté du studio Lunac. Et on poursuit toujours à La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On est également sur voir.ca/Raymond-Poirier pour des chroniques plus dans l'esprit blog. Et petite mention au passage, en fait, j'ai eu l'occasion de feuilleter un livre dont je ne suis pas du tout le public cible, cela dit. C'est le journal d'Aurore d'Agnès Maupré et Marie Desplechin, donc le tome 1, Jamais contente, toujours fâchée. C'est du côté de Rue de Sèvres, un récit chronique d'adolescence, dans le fond chronique d'adolescente également, donc regard sur ce passage là, sur une étape peut-être de rébellion, de positionnement, donc le défi de se trouver soi-même, face à soi-même, certes, face à ses parents, face à ses amis, face à l'amour, face à la vie, donc une grande étape, si on peut dire, qu'on découvre au fil des pages de ce journal d'horreur. Donc c'est une série de romans faits au départ, écrits par Marie Desplechin, des romans qui ont été publiés en 2006-2007 du côté de l'École des loisirs. Et c'est l'auteur elle-même qui travaille à la transcription donc de son univers vers la bande dessinée, donc qui travaille au scénario. Elle a ciblé ensuite Agnès Maupré, qui va faire entre autres Milady de Winter, donc pour offrir l'enrobage, l'emballage, la mise en scène de tout ça. Et donc, essentiellement, l'histoire nous amène à suivre Aurore, qui décide d'écrire son journal intime. Elle raconte sa vie, elle raconte ses relations houleuses avec ses parents, qui vont l'amener en cours de route à aller habiter chez grands-parents, la recherche de l'amour, la rencontre notamment d'un puis d'un deuxième garçon qui éveille en elle certains sentiments, des réunions, des amitiés, des discussions fortes, des chicanes avec les amis. Bref, c'est vraiment un côté très, très quotidien autour de tout ça, centré évidemment sur cette découverte de l'amour aussi. Ça donne un récit qui est quand même assez bien dirigé, si l'on peut dire. On utilise la voix off pour animer tout ça, pour amener les séquences. Évidemment, le défi d'une chronique d'adolescence qui se veut réaliste, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui sont pas nécessairement sympathiques. C'est des personnages qui se cherchent, qui sont houleux, qui sont, comme dit le titre, jamais contents, toujours fâchés. Donc, ça donne quand même, à travers ça, disons, une certaine difficulté pour le lecteur adulte à trouver une certaine sympathie par moment envers les personnages, que ça rend la lecture peut-être un peu plus ardue. Cela dit, ça m'a semblé être quand même une chronique intéressante et un regard intéressant justement sur l'adolescence. Alors, si c'est le genre de récit qui peut vous intéresser, si vous êtes peut-être un peu plus le public cible également, ben peut-être que c'est un récit qui va vous allumer, mais sachez quand même qu'il y a justement une certaine lourdeur, un certain je ne sais quoi qui fait que ça rend parfois la lecture un petit peu plus difficile, et à mon sens c'est peut-être justement dans le côté pas nécessairement toujours sympathique, je le répète, des personnages, donc ça rend l'appropriation, si on peut dire, du point de vue de l'héroïne, peut-être un peu plus difficile. Par contre, au niveau dessin, au niveau architecture, ça reste quand même bien fait. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de La Vie en BD jusqu'à 18h30 ici sur les ondes du 89.1. Je rappelle également que l'ensemble des émissions sont disponibles en balado-diffusion, et ce pour la saison actuelle, mais également pour les 5 saisons précédentes. Alors, c'est sur laviesenbd.wordpress.com. Et maintenant, on se lance vers l'univers de la bande dessinée jeunesse, donc du côté de Comme des Géants, plusieurs belles sorties qui sont arrivées en ce début d'automne, et on avait envie, entre autres, de vous jaser un peu de Mimose et Sam de Caton. Donc, l'une de ces sorties est avec nous, Caton. Bonjour. Allô. Alors, on vous connaît évidemment pour la liste des choses qui existent, les cousines vampires, donc un créneau peut-être un peu plus adulte, en parallèle avec Comme des Géants depuis un deuxième album déjà, comme auteur, donc scénariste, dessinatrice, vous exploitez aussi le créneau jeunesse, donc j'imagine un plaisir de passer, de naviguer de l'un à l'autre. Oui, en fait, j'ai l'impression des fois que je suis allée vers le jeunesse assez naturellement, parce que même si... quand j'ai essayé de faire, quand j'ai fait des choses plus adultes, par exemple la liste des choses qui existent à la pastèque, puis les cousines vampires aussi, chez Papa, on dirait que des livres qui à la base étaient dédiés aux adultes, mais même en faisant des adultes sans faire exprès, on dirait que je fais toujours du jeunesse. Comme après coup, après les avoir fait, je me rends compte que ça peut aussi comme être pour les enfants. Fait que ça me semblait assez naturel d'aller vers ça, là. Oui, puis veux pas, en fait, quand on écrit pour les enfants, justement, on me dit souvent, en fait, regardez, faut pas commencer à dire, OK, faut abaisser le niveau. Non, faut parler, faut se faire plaisir à soi-même, puis à travers ça, leur faire plaisir à eux aussi, dans le fond. Ben oui, absolument. Mais en fait, ça me fait vraiment juste plaisir. J'ai l'impression que ça me fait juste plaisir, comme vraiment à moi, de faire ça, justement, parce que j'ai comme un peu parfois un humour d'un enfant de 5 ans moi-même. Donc, c'est vraiment facile. C'est des scénarios qui viennent le plus facilement, des scénarios jeunesse. On dirait que, en fait, quand j'ai des idées, souvent, c'est juste une idée de titre ou une idée comme une phrase qui résume comme un scénario. Puis c'est vraiment juste ça qui mène après ça vraiment facilement à un scénario jeunesse. C'est ça qui me vient vraiment naturellement, là. Donc, on pourrait dire, en fait, ce qui vient naturellement côté scénario à Caton, ce serait une histoire du genre deux amis, dont un mini panda qui habite dans une citrouille, décide de s'intéresser aux raisons pour lesquelles leur ami Tige de basilic se fait manger la nuit. Oui, exact. Mais ça, en fait, l'influence, c'est aussi que j'ai mon père et ma sœur qui travaillent en agronomie. Donc, comme... à la maison, ils ont comme un jardin qui chouchoute tout l'été. Puis là, en fait, le livre se passe dans un jardin, puis c'est un peu ça, des thématiques autour de qu'est-ce qui se passe avec les plantes, les insectes, puis c'est vraiment inspiré de ça. Oui, puis j'ai trouvé le jeu d'échelle intéressant aussi, parce que dans le fond, il y a des insectes qui sont un peu plus petits, on a l'impression que les personnages sont minuscules, que le jardin est immense, mais en même temps, à l'intérieur de ça, il y a même aussi des échelles entre les personnages, donc on a l'impression vraiment de se retrouver dans un monde miniature, mais qui est pas nécessairement notre monde non plus. Oui, ben en fait, je me suis dit, j'avais pas vraiment pensé non plus que les enfants aimaient ça. En fait, des choses qui sont vraiment à leur mesure comme ça, sont pas aussi petits que les personnages, mais... souvent, c'est ça, dans les livres, c'est vraiment comme à l'échelle régulière, si on peut dire, c'est ça, de ce que j'ai entendu à date de commentaires. Les enfants aimaient ça, que ce soit des choses minuscules qui étaient eux-mêmes plus gros que ça, tu sais, ça les intéressait. Et le côté enquête, parce que dans le fond, l'idée, on le disait, c'est de trouver qui mange justement cette tige de basilic-là. Donc, ça force aussi, à un moment donné, un certain rythme, beaucoup de rencontres, donc aussi, pour vous, beaucoup de personnages, beaucoup de casting à faire, si on peut dire. Oui, j'ai vraiment aimé ça, en fait, faire la forme enquête comme ça. Ben, j'avais déjà un peu touché comme au genre dans la bande dessinée quand j'avais fait Les Cousines Vampires, que c'était comme une espèce de bande dessinée d'horreur, un peu inspirée de des vieux films d'horreur. Puis là, on dirait que ça me semblait super attirant de faire quelque chose avec la forme enquête, surtout que on dirait que ma force, c'est pas toujours comme j'aime beaucoup plus dessiner que écrire souvent, mais écrire un petit scénario simple d'enquête, tu sais, ça n'a pas besoin d'être avec des péripéties infinies, puis comme des ça peut être assez simple finalement à scénariser. J'ai vraiment aimé ça comme première expérience. Oui, puis à la limite, en fait, même on pourrait dire que côté jeunesse, c'est peut-être ça l'élément qui ressort dans la structure, c'est que les scénarios, les histoires, c'est souvent quand même assez direct, c'est assez linéaire d'une certaine manière, parce que on y va avec aussi l'attention, la capacité de rétention, si on peut dire, de l'histoire de l'enfant. Donc on a quelque chose qui va en belle ligne droite plutôt que avec plein oui, de chemins de traverse là. Pas besoin de trop onduler puis trouver comme des façons de qu'il y ait vraiment une super grosse surprise à la fin, comme ça peut aller direct au but, puis c'est bien correct comme ça là. J'aime ça. mais quand même, Caton, reste que je mentionne enquête, rencontre, mais l'album, bon, il est très rythmé, première chose, puis deuxième chose, il y a quand même trois étapes, si on peut dire, marquantes dans le récit, où vous vous permettez de changer le cadre, de changer le rythme. Donc, on établit un peu dans le premier tiers, dans le deuxième tiers, OK, c'est l'enquête. Dans le troisième tiers, on essaie d'attraper. Donc, il y a quand même aussi une variété dans ce qui est raconté, dans l'objectif aussi, finalement, des personnages. Donc, dans le rythme aussi, ou dans le rendu du récit. Oui, c'est vrai. En fait, mon premier livre jeunesse, c'était plus basé un peu sur comme la répétition de tout le temps, le même... La même chose qui se passe, par exemple, il y a un personnage dans la forêt, puis là, voit un animal, pense qu'il y a un problème, essaye de l'aider, finalement, ça marche pas. Puis c'était tout le temps comme la même forme qui revenait tout le long du livre, puis j'aimais ça. Comme je voulais, encore une fois, qu'il y ait des éléments qui se répètent, parce que dans celui-là, dans Mimos et Sam, parce que je me rappelle que quand j'étais petite, j'aimais vraiment ça, quand il y avait des choses qu'on pouvait anticiper comme à mesure que l'histoire arrivait, mais je voulais que ça soit un peu plus varié, justement, qu'il y ait différentes actions là, qui se passaient. Là. Et le fait de jouer avec des insectes aussi pour les étapes d'enquête ou le reste, mais ça permet, bon, oui, d'avoir accès à leurs outils, mais aussi le ton, ben, on l'imagine déjà d'une certaine manière. Donc, si on rencontre seulement une case, ben on a déjà une idée de la personnalité du ton. Si en plus on arrive et est en train de dormir, ça confirme des soupçons. Donc, on suit un peu la ligne de pensée qu'on pourrait avoir face à ce personnage-là. Ça permet d'enrichir plus rapidement, peut-être. Oui, c'est vrai. Oui. Et est-ce que c'est un peu un dommage collatéral, si on peut dire, de l'idée du jardin, ou est-ce qu'une fois justement que l'idée du jardin est venue, ben après ça le reste c'est construit, c'est rempli, le casting s'est fait un peu instinctivement? Ou? Oui, je pense que c'est fait assez instinctivement après ça. Je pense que j'avais comme, en fait, c'est vraiment c'est difficile à décrire, parce que si je dis exactement c'était quoi mon idée, je dis c'est quoi le punch du livre, fait que c'est difficile, mais c'est vraiment en premier un truc comme de jardinage. C'était pas juste comme le jardin, c'était par exemple là, le problème c'est qu'il y a un insecte dans le livre qui vient tout le temps mâchouiller les feuilles de basilic pendant la nuit. Puis là, l'insecte en particulier, le truc de jardinage qui était à la base de ça, c'est comment se débarrasser un peu de cet insecte-là, ou en tout cas le repousser. Donc c'était vraiment comme basé là-dessus. Fait que après ça, les personnages sont venus. Après ça, j'ai fait comme un petit peu de thèse de dessin, tout ça, mais c'était vraiment juste tricoté autour de ce truc-là. Et tout ça avec des couleurs aussi qui sont en fait, c'est un album qui est très coloré, un dessin qui a un côté naïf aussi, peut-être un peu, qui ressort du dessin, mais dans le sens positif de ce terme-là, évidemment. On joue un peu avec ça, puis en même temps beaucoup de tons de vert aussi avec lesquels vous avez eu composé. Donc comment ça s'est passé, peut-être un peu le travail graphique, les choix derrière justement ces éléments-là? La couleur, en fait, c'est vraiment une de mes étapes favorites là. Des fois, j'ai fait même des contrats de coloration, parce que, par exemple, j'ai fait la couleur de l'album anniversaire de Paul à la campagne là, à la pastèque. C'est moi qui ai fait genre toutes les couleurs. Fait que depuis un certain nombre d'années, j'aime vraiment faire ça. On dirait que c'est vraiment ça me fait vraiment accéder à un espèce de monde différent, du dessin. J'aime beaucoup ça. Puis en fait, avec mon livre d'avant, j'avais vraiment pas eu de misère avec la couleur. C'est venu vraiment naturellement parce que il y avait un setting qui était plus, il y avait un personnage qui était sous la pluie. Fait que là, c'est des couleurs un peu plus sombres. Puis on dirait que c'est plus facile de toutes les faire ensemble. Puis pour ce livre-là, pour le mot de Sam, j'ai vraiment plus travaillé. On dirait que ça m'est venu moins naturellement. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de tests. Puis même en rendant mes finaux, on dirait que comme j'étais pas encore sûre à 100% que j'aimais ça. Parce que j'ai fait, en fait, tous mes originaux sont faits au crayon de plomb. Donc, les dessins réels que j'ai devant moi sont en noir et blanc. Puis, je fais ma couleur de façon numérique. Après ça, sur Photoshop, pour que ça ait l'air un peu du crayon de couleur. Fait que, en fait, je vois jamais des choses imprimées ou des choses dessinées vraiment dans mes mains avant de recevoir le livre, ce qui est un peu difficile des fois de gauger comment ça va sortir. Tu sais, je peux juste regarder de quoi ça a l'air sur mon ordinateur. Oui, puis disons que le côté positif du numérique, c'est que ça permet l'essai erreur. Le côté négatif du numérique, c'est que ça permet l'expérimentation beaucoup aussi, où on peut essayer une centaine d'hypothèses pratiquement si on décide de pas lâcher prise. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que avec la couleur directe, au moins, bon, c'est fait, là, je vais pas me mettre à changer plein d'affaires, mais avec le numérique, c'est infini. On pourrait travailler toute notre vie sur la couleur d'un livre sans s'arrêter, mais à un moment donné, il faut comme, c'est ça, savoir s'arrêter. Puis je pense que finalement, en le voyant imprimé, j'étais contente, mais c'est ça. C'est un peu plus un jeu de, bon, je vais essayer ça comme ça, cette fois-ci. Mais je suis contente de comment ça le sort. Et Caton, en fait, Mimose et Sam, il y a un sous-titre, en fait, qui est Basilic en panique. Donc, est-ce que ça implique qu'on le pense ou qu'on l'espère éventuellement comme une série, de dire, bon, OK, on pourra en sortir une fois de temps à autre? Éventuellement, en fait, on l'a mis, le sous-titre à l'intérieur du livre, au cas où on voulait faire une série avec. Puis, je pense que c'était une sorte de regarder comment ça va être reçu, tout ça, si les enfants, comme, se sentent, se rapprochent vite des personnages, puis ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils font d'autre. T'sais, c'est sûr que avec la forme enquête, il y a toujours tellement de manières de faire d'autres tomes après. Mais il me semble que ça me semble facile d'arriver avec d'autres scénarios après, vu qu'il y a cette structure-là. Puis moi, en tout cas, c'est sûr qu'en les dessinant aussi, je me mets moi-même à m'attacher à eux. Fait que ça se pourrait bien là, qu'il y ait une suite à un moment donné. Et en terminant, question curiosité, en fait, souvent des BD comme ça, à un certain âge, ça va être lu avec les parents, puis éventuellement l'enfant va s'émanciper de son parent pour la lire pour lui-même. Donc, on parle un peu à deux lecteurs, à la limite, ou un lecteur qui va être un passeur pour un troisième lecteur. Donc, est-ce que c'est des dimensions qu'on essaie d'avoir en tête quand on travaille à la rédaction d'un scénario, à la rédaction d'une histoire comme celle-là? Oui, mais en fait, tous mes livres à date ont assez eu une réception comme générale de même les parents les aimaient, tout ça. Fait que j'imagine que c'est comme je fais pas exprès nécessairement de tout ça, mais ça me fait vraiment plaisir quand les parents me disent qu'ils sont contents de le faire à leurs enfants puis qu'ils sont pas tannés, parce que des fois les enfants, quand ils aiment un livre, ils veulent le lire comme 6 fois par soir. Ça peut devenir un peu comme ça peut devenir un peu comme, ouais, ça peut rendre un peu fou, mais je veux juste que les parents puis les enfants aiment ça, parce que je sais qu'il y a cette structure-là qui s'impose un peu, là. Ah ben, on invite les gens à y jeter un coup d'œil à ce livre. Donc, Mimose et Sam, Caton, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je rappelle, donc, Caton est auteur, donc scénariste et dessinatrice de Mimose et Sam, qui est arrivé tout récemment chez les libraires. C'est du côté de Comme des géants. We'll be right back. Dernière ligne droite pour cette édition de La Vie en BD. Dernière ligne droite qui sera consacrée à une activité, un événement qui est de retour pour une sixième saison. Et cette année, ben, c'est un nouveau concept, c'est un nouveau lieu. Donc, la Ligue québécoise d'impro BD qui se déplace vers le Musée national des beaux-arts du Québec. Première ronde qui a lieu ce dimanche 25 septembre. C'est en après-midi cette fois-ci, donc formule familiale à partir de 13h. Et ben, en fait, pour en jaser avec nous, je suis en compagnie d'une des improvisatrices qui est également directrice artistique de la Ligue, Élodie Cuneau. Bonjour. Salut. Et le dessinateur Richard Valran, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nouveau concept pour l'automne, on s'éloigne un peu des matchs traditionnels, on fait évoluer la formule vers quelque chose qui est collaboratif. Est-ce que ça change un peu la manière dont on aborde le jeu quand on travaille en collaboration plutôt qu'en compétition? Ben complètement, parce que on ne va pas à la quête du point, donc on devient tout de suite plus centré et tourné vers l'histoire, et chacun va s'occuper d'enrichir l'histoire et de jouer ensemble. Donc on va plus loin, plus rapidement. Donc les histoires deviennent aussi un peu plus, il y a plus de suivi, plus de cohérence, donc ça devient beaucoup plus intéressant aussi d'un point de vue scénaristique, je pense. Ouais, et puis évidemment, ce qui est intéressant aussi au niveau du dessin, c'est la possibilité des fois de peut-être de continuer si on sent qu'on est sur une bonne lancée. Donc on est moins contrôlé là dans le temps. Je pense qu'on va avoir plus de latitude là pour se laisser aller. Et puis au niveau aussi de la chimie entre les différents médiums, on a des musiciens, on a des BDistes et on a des comédiens. Et du coup, juste de se parler dans les temps de réflexion, ça va grandement améliorer l'osmose. Oui, parce que dans le fond, l'idée, c'est que là, on passe, dans le fond, d'une joute plus compétitive à un spectacle, essentiellement. Donc, tout va être... L'idée, c'est de donner le maximum au public, mais de le donner sans filet, parce qu'on se lance, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Est-ce que, bon, au niveau de l'improvisation, donc vous êtes expérimenté, toi Elodie, je pense que tu as fait de la ligue d'impro pendant des années. Richard, ça fait quand même quelques années que tu fais de l'impro BD, mais est-ce que ben pour le dessinateur, c'est quoi le défi de se lancer sans filet? Et pour l'improvisatrice expérimentée, c'est quoi le défi de se lancer sans filet, certes, mais avec la dimension dessin qui vient peut-être, j'imagine, changer un peu la donne par rapport aux autres concepts d'impro? Ben c'est ça qu'il y a un gros stress quand même là quand on est sur la scène comme ça à dessiner devant une audience, puis je pense qu'il est le fun avec cette nouvelle formule là, c'est qu'on garde le stress d'être devant une foule, mais on enlève là le poids d'avoir à être en compétition comme ça. C'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir d'être collaboré, puis de après ça on reste quand même là, un peu sur l'adrénaline là, parce que c'est de l'improvisation, hein, y a rien qui est scénarisé. On se donne un thème quand même cette année là, je pense que c'est la rentrée ou en fait les films d'ado, on va tourner autour de ces années 80 un peu vintage là à la ouais, c'est ça, donc dans ce style là. Puis Élodie, avec le dessin, comment on compose un peu comme improvisatrice? Le grand défi de ces formules-là pour l'improvisation, c'est que c'est beaucoup l'écoute. On est déjà habitué à écouter. Ben là, faut écouter à 360 degrés. Faut être raccroché à ce qui se fait derrière nous sur l'écran, à l'ambiance proposée par les musiciens. Il faut garder, c'est ça, le scénario. Faut être à l'écoute aussi des réactions du public. Tout ça, c'est d'être... très généreux également dans ce partage d'attention là, et d'arriver toujours à une cohérence et à une histoire. Et c'est vrai qu'une thématique va être un peu notre garde-fou aussi, ça va nous aider à aller dans une direction commune assez rapidement à mon avis. Donc et puis c'est un peu rétro, on est content. Ouais. Et parce qu'aussi dans la structure des matchs, ça change un peu dans la mesure où il va y avoir des improvisations très courtes, des improvisations plus de 5-8 minutes ensuite, donc des 1 minute, des 5-8 minutes, et la longue histoire, donc une demi-heure, 35 minutes sur le même récit. J'imagine que pour vous, on envisage ça comme trois défis qui sont radicalement différents là, les uns des autres. Oui, tout à fait. Ben, les premières petites impros, ça va surtout aider à nous réchauffer, à peut-être expérimenter des catégories, à prendre le pouls du public, à se rencontrer finalement, pour après arriver dans une histoire plus longue, un format oui, puis ça nous permet d'être en continuité avec l'ancienne version, voilà, ou de reprendre des formules qui marchaient bien, là, comme je me rappelle plus lesquelles qu'on va faire, là, comme prendre Improception, les lignes, en tout cas c'est trois lignes. Oui, on garde aussi participer aussi l'audience. Là. Oui, on voulait que ce soit interactif. Les enfants comme les grands, on aime ça. Généralement, quand on va avoir un show, avoir un impact dessus, ça se fait beaucoup en improvisation. l'improvisation maintenant, c'est de participer soit au thème, soit aux catégories, soit ouais. d'être impliqué dans le jeu, c'est toujours plus amusant. Ouais. Puis là, comme on ouvre à un public, c'est ça, familial, ça va. Ouais, parce que c'est une belle salle aussi, ça va être le défi là, de jouer ouais. dans cette nouvelle salle. Mais on est bien excités aussi parce que bon, ben, c'est au Musée des Beaux-Arts du Québec, donc qui s'est fait une beauté cette année. Oui, juste pour nous. On est bien contents d'être là. Ouais, c'est ça. Par contre, nous, on est situé dans le. Mais on n'est pas dans la nouvelle partie, on est dans l'ancienne partie, en tout cas entre les deux. Voilà. Et justement, le fait de migrer vers un public familial, donc un 7 à 77 ans, si on peut dire, est-ce que ça va venir changer un peu le jeu? Est-ce que ça va venir changer des choses? Je pense qu'on va faire un petit peu attention aux allusions grivoises, parce que nous, ouais. joueurs, on aime bien. Ça, ouais. Mais à la base, l'imaginaire, c'est quand même quelque chose qui raccroche les enfants. Puis moi, ma première BD, je l'ai lue quand j'étais gamine. Mon fils aime ça, je veux dire. On va peut-être être un petit peu moins grivois, mais tu sais, c'est aussi c'est un peu une facilité, là, des fois, de tomber là-dedans. Mais il me semble que vous ne l'étiez pas tant que ça. Non, on l'était pas tant. Ben, il y avait des thèmes récurrents. Des petits clins d'œil. Mais bon, ouais, c'est ça. Donc, mais c'est intéressant aussi pour nous de développer le côté plusieurs lectures, un peu comme des fois des Walt Disney ou des Pixar. Il y a une blague pour l'enfant, mais elle peut se traduire d'une autre façon. Un peu comme les Monty Python, façon. Où c'est bien possible sûr, de l'apprécier quand on est jeune. On va au moins faire du Monty Python. Au moins. Faut mettre un peu de pression. Et Richard Valran, comme dessinateur, qu'est-ce qu'on vient chercher dans une expérience sans filet comme celle-là? Mais je pense que c'est... la BD, c'est vraiment un médium qui est quand même long, là, qui demande beaucoup de planification. Donc, c'est le fun de, premièrement, d'être en équipe, d'être avec d'autres, avec des acteurs, donc avec des gens qui font de la création, mais à un autre niveau. Donc, c'est le fun de se frotter à ces gens-là, de mélanger nos créativités, puis aussi, c'est l'improvisation, là. C'est le fait de devoir arriver avec des idées rapidement, puis de pas trop s'enfarger dans le dessin, mais d'utiliser le dessin vraiment pour trouver des idées rapides, mais pas trop, tu sais, de faire attention là, aux proportions de tout ça. Donc, c'est vraiment plus, là, d'utiliser le dessin comme une façon de trouver des idées originales, là, puis de sortir des sentiers battus. C'est de l'instantanéité, ça reste de l'impro, donc il ouais, y a quelque ça, chose l'instantanéité, de rapide. Quoi. Le punch, c'est par essence rapide, fait que pour le dessinateur... Ouais, puis l'intérêt aussi, c'est de pouvoir jouer justement avec sentir la salle, leur réaction, puis de pouvoir jouer avec le timing du dessin, donc arriver avec certains éléments pour faire réagir l'audience. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir l'instantanéité comme ça. Puis Élodie Cuneau, comme joueur, enfin, on parlait d'expérience tantôt. D'une certaine façon, toi et les autres joueurs de la Ligue, vous avez appris l'improvisation aux dessinateurs, d'une certaine manière. Donc, comment c'est... Est-ce que tu les as vus, toi, évoluer sur le banc, dans les caucus, au fil des cinq ans déjà de la Ligue? Oui, vraiment. Je pense que le plus gros de leur bout, à mon avis, c'était la confiance. Parce qu'il fallait se lancer justement dans le dessin instantané plutôt que dans le perfectionnisme. Et généralement, moi, tous les dessinateurs que j'ai connus, ils sont proches de leur dessin, proches de la vouloir rendre du rendu finalement. Et donc, il a fallu qu'ils quittent un petit peu, à mon avis, ce rivage-là. Mais j'ai senti quand même grandir en eux le goût du punch, le goût du danger. Très chouette. Ils ont évolué super vite. Des êtres merveilleux, moi. Et toi, Elodie, comme improvisatrice, est-ce que ton jeu a évolué au contact du dessin? Est-ce que le fait d'être entouré de dessins comme ça a changé ta manière de jouer? Oui, vraiment. Ça me force à l'écoute beaucoup, beaucoup plus encore. Mais il y a quand même le petit danger parce que je trouve tellement hot ce qu'ils font que des fois, il faut quand même se raccrocher parce qu'on a goût de devenir nous aussi spectateurs. Alors, voilà. Mais non, c'est super intéressant. Puis c'est que on nous a tellement appris dans la nouvelle façon de voir l'impro vers la cohérence, les choses très logiques qui se tiennent, très naturalistes, on va dire. C'est quand même une vague en impro. Et ben maintenant, on revient un petit côté. Hop, il nous arrive avec un monstre dans une trame plus réaliste. Il y a comme une fantaisie qui revient, puis qu'on doit de nouveau se réadapter et switcher vite nos émotions. Fait que c'est un retour à l'impro cartoon finalement. Ça nous rappelle un peu que dans le fond les dessinateurs que vous avez sont aussi des scénaristes, sont aussi des narrateurs, donc nécessairement ont une relation à l'histoire qui n'est pas la même que vous, mais qui est la leur et avec laquelle ils peuvent intervenir, se laisser laisser intervenir, Richard? Oui, non, mais en fait, c'est sûr que c'est bien intéressant, ça, cet aspect-là. Puis, en fait, justement, nous, avec nos dessins live, des fois, ça les déstabilise un peu, les acteurs, puis c'est intéressant de voir leur réaction. Moi, je trouve qu'ils sont quand même... ils réagissent quand même bien. Mais des fois, c'est un peu notre fun, là, un peu, des fois, un peu sadique, là, des fois, d'arriver avec des choses un peu inattendues. Ouais. Et il y a trois matchs de programmés cet automne, en fait, trois spectacles, on pourrait dire. Donc, le 25 septembre, le 30 octobre et le 27 novembre, c'est les derniers dimanches du mois, à 13h, donc en après-midi, au Musée national des beaux-arts du Québec. J'imagine que vous avez hâte de replonger en terminant. Oui, puis ne pas oublier qu'il y a des thématiques à chaque fois, fait que ça renouvelle vraiment le spectacle, et pour les enfants, c'est super. Voilà. Alors, on lance l'invitation. On a bien hâte. Venez, emmenez votre famille, ou empruntez un enfant, ça se fait. Richard Valrin, Elodie Cuneau, merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. Merci. Et nous, ben, c'est ce qui met fin à cette édition de La vie en BD. La semaine prochaine, une autre grosse émission pour vous. On aura avec nous François Bourdage pour l'exposition BDQ, l'art de la bande dessinée québécoise. Sandra Wilder viendra nous parler de Planche à l'aube du tome 8. Et Michel Gigard, des rendez-vous de la BD, nous parlera du défi de transposer une œuvre du roman vers la bande dessinée. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.